Oh, oh, oh, me boys landed. So, ay, ay, ay, ay, ay. Mani kwe ou ne kontrole, kem batte kou ballon basket, et puis tout voye. Mrete mwem pou son troisième pied, m'pole nan dodan pou la colle nan pou yon braye. M'tan kontre ki deraye, ma pourri de on nan tout kwe tan kon chien rage. Ou va comprendre raison m'obsédé, comme ça son virus depuis l'instant, on lit tout propagé. Ou son esprit ou un tête moué. Ou son volé, ou volé tête moué. T'as pas fait l'eau là, mais nous pas jamais viré, mais ça passe même. Bon rivière moi mien la men mon tout faisait ma pauvre une belle femme moi couché sur roche là et non pas dit moi là men on va rien mon cher yo n'a pas tourné la capitale avec le blaire men n'a pas tourné la capitale men j'ai un barrière pour faire les moi on baga contrôler moi. Mon nom gandem, la bouillon mizi pou pran mou transpose mwen. Che ou variem, ou vele mwen ou maga kontrole. Mwen non non, eh mon nom gandem, la bouillon mizi pou pran mou transpose mwen. Hey, hey, hey, mbaga kontrole mwen, mbaga kontrole mwen. Mwen li mont l'okaze mouton yo ou tout de mwen. Ou semblon mwen mwen konen, ou konen kelke par. Ou men tou ou semblon mwen mwen konen. Justement, puis voilà. Merci beaucoup. On a été à me sentir ma fly. Oh, aïe. M'a fumé, même senti ma high. Oh, aïe. Oh, aïe. Oh, aïe. Ou même chanter tant qu'on black à l'ex-dimou. Oh, aïe. Oh, aïe. Ou même chanter tant qu'on black à l'ex-dimou. Oh, aïe. J'ai ou barrié. Ou fait les mouets ou baga contrôler mouets. Mon nom gandem, la bouillon mizi pou pran mou transpose mwen. Che ou variem, ou vele mwen ou maga kontrole. Mwen non non, eh mon nom gandem, la bouillon mizi pou pran mou transpose mwen. Sam pa kwe ou jos ingwayabwe. Se pa zak fen kontre se destine. Fen kwaze tout se kou vle marye. Marye, marye, marye. Ou met marye ave. Marye, yo marye, ou marye. Ta pri marye ave. Chéri, ou met fly ave. An bon ras ta paway. Never die. Transposez-moi.